très très bien dans ma peau. Je marche seul, guitare sur le dos, j'ai pas beaucoup d'amis. J'en veux à cette chienne de vie. Ouais, comme sur toi, c'est ma putain de révolution. Je veux atteindre le nirvana, montrer qu'à 20 ans, on est des lions. Briser les chaînes qui me retiennent et provoquer des explosions. Faire du rock engagé, voilà ce qu'est ma rébellion. Face aux marées dantesques, mains pour cette société d'imposteur et de timbré. Je suis pas très bien dans ma peau. Toutes vos erreurs sont mon fardeau. Mes rêves sont vos cauchemars. Je vous l'ai dit que j'en ai marre de ces chaînes qui me retiennent. Provoquer des explosions, faire du rock engagé, voilà ce qu'est ma révolution. Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll.